10h30 sur les ondes de Radio Arc-en-Ciel. Bonjour à toutes, bonjour à tous. C'est une nouvelle émission du Téléphone Sonne. J'espère que tout le monde va bien sur cette journée de plutôt pas trop mauvais temps, on va dire. Alors, comme vous venez de l'entendre, Josh Freda sera parmi nous. C'est quand? C'est samedi prochain. Samedi prochain, salle Montition à Saint-Jean-Blanc. Une soirée exclusive organisée par Radio Arc-en-Ciel avec Josh Freda et tous ses musiciens qui seront là pour vous proposer un grand spectacle. Le spectacle de Josh Freda, un moment certainement que beaucoup d'entre vous attendent. Donc n'hésitez pas, les places sont déjà en vente, vous le savez. Elles sont toujours en pré-vente, 15€ jusqu'à, je pense, vendredi. Et après, ce sera 20€ le jour même, voilà. 02 38 43 48 00, c'est le numéro qu'il vous faut composer pour faire toutes vos dédicaces, papoter, choisir vos musiques, enfin, vous savez quoi, comme principe de l'émission. Alors, on commence cette matinée avec Josh Freda, avec une chanson, Elle, Ilene, Ilene. Está toda no ar, imaginando que grandes e boas parecem meloas prontas a comer. Preciso que sejam verdadeiras e para tirar tem uma espiga que queres ver. Dá um jeitinho e leva lá e mostra, mostra para ver como está. Porque eu ouvi que elas não são reais e até já dizem. Mostra para ver como são, porque eu ouvi que elas não são reais e até já dizem que é só algodão. Yeah.

verdade é que ela ama melhor que tu. Vou deixar em alta voz, vais ouvir o que há em nós. Eu e ela no prazer, ou desliga sem sofrer. Vou deixar em alta voz, vais ouvir o que há em nós. Eu e ela no prazer, ou desliga sem sofrer. Sem sofrer. Sem sofrer, vou deixar em alta voz. Vais ouvir o que há em nós. Eu e ela no prazer. Vou desliga sem sofrer. Sem sofrer. Avec la musique, et puis surtout vous pouvez m'appeler au 02 38 43 48 00. Alors, on parle de l'événement, du prochain événement de Radio Arc-en-Ciel qui est le 13 avril prochain, c'est donc le week-end prochain, mais on commence aussi à parler du la prochaine manifestation après le 13 avril qui se passe le premier week-end de juillet, qui est le 6 et le 7 juillet, puisqu'effectivement, vous savez, on n'échappe pas aux traditions et la tradition veut que Radio Arc-en-Ciel, chaque premier week-end du mois de juillet, organise la fête des Saints Populaires. Et donc pour cette fête des Saints Populaires, il y a déjà des artistes qui sont déjà validés et donc il faut vous les faire connaître d'ici là. C'est l'occasion de vous faire connaître de jeunes talents portugaises, de la musique portugaise effectivement. Et donc la première, une des artistes que l'on va accueillir, c'est son tout premier album. Elle vient de signer avec Vidisco. Elle s'appelle Daniela Henrich, avec un premier titre que j'aime beaucoup parce que le rythme fait que voilà, c'est caliente, c'est chaud, c'est latino. Como eu te amo. On écoute Daniela Henrich, que vous pourrez découvrir lors de la fête des Saints Populaires de Radio Arc-en-Ciel. Voilà. Embora não vais voltar e nem comigo queres falar. Já decidiste a liberdade, mas mesmo assim te deixo partir e peço a Deus que sejas feliz. Percorre o mundo com tua vaidade. Deve haver alguém que busque o teu amor. Eu Oh! baixando, saltricando, passando, saltricando, o vício que te agita. E baixando, saltricando, baixando, saltricando, passando, saltricando, o vício que te agita. E acredito eu, quero te amar. On va continuer en musique et on va continuer avec Tita Chichichi Cha Cha Cha. Yeah. Chi-chi-chi-chi-cha-cha-cha-cha, c'est Tite, voilà. On va continuer, et j'ai la surprise. Alors, je sais pas quel micro tu as, est-ce que tu peux parler? Vas-y, continue. Tu m'entends? Ah, ça y est. Et là, tu t'entends aussi? Oui, je m'entends très bien. J'ai la surprise, je vais la découvrir avec vous, parce que même moi, c'est l'exclusivité, on va dire, voilà. Bonjour Dominique. Bonjour à tous. Alors Dominique, certains d'entre vous le connaissent forcément, il fait partie de Capanegra, il est venu ici rendre visite, mais surtout parce que tu as gagné une place hier. Exactement. Pendant l'émission de Christine. Tout à fait. Voilà. Tu as gagné une place pour aller voir Georges Frey samedi prochain, et donc il venait récupérer sa place. Et il est venu avec quelque chose. Exactement. Et ben, je suis venu avec un nouveau titre de Kappa. Voilà. Donc, qui traîne depuis longtemps, mais bon, on a eu le Covid, on a eu tout ça, tout un tas de soucis. Et enfin, on peut présenter, dans un premier temps, un titre. Encore un titre, voilà. Encore un titre. Qui est chanté par toi, du coup. Exactement. Puisqu'effectivement, cet album, il a été composé, enfin, il doit avoir plusieurs styles, plusieurs chanteurs, etc. Et donc, là, c'est un titre chanté par Dominique. Exactement, voilà. Et c'est une exclusivité parce que même moi, je l'ai pas écouté en entier. Et j'ai pas la version qui est là. Mais... Oui, voilà. Donc, c'est une exclusivité pour tout le monde, finalement. Oui. C'est une nouveauté pour tout le monde, y compris pour moi. Donc, on va découvrir ce titre. Alors, je sais que il y a une fameuse rose. Oui. C'est très... à l'époque, on me disait que ça me ressemblait beaucoup, ce genre de musique et ce genre de style, ouais. Ouais. Et donc, ouais, bah, j'ai accepté. Et puis, j'espère que ça va plaire. Ben, écoutez, on va lancer l'appel. Alors, le téléphone est très, très, très, très calme ce matin. Donc, je ne sais pas ce que ça va donner, mais en tout cas, voilà. N'hésitez pas à nous faire, qu'elle soit bonne ou mauvaise, peu importe. Oui. Hein. Mais en tout cas, voilà, on aime, on n'aime pas. Exactement. Et ça, tout ça, ça se respecte. Donc, voilà, dites-nous un nouveau titre de Capanegra. Et elle s'intitule... Elle est beau. Donc voilà, exclusivité pour Radio Arc-en-Ciel. Il est venu ce matin comme ça, les pieds dans les chaussons, on va dire. Il est venu avec ce titre. Tiens, je vais récupérer ma place et tiens, tu pourras diffuser ça. C'est la surprise. C'est tout voilà. À fait ça. Et ben écoute, on écoute. Elle est beau, Capanegra. Ela dança no baile rico. Ela é boa, ela é boa. Ela é boa quando se mexe e ainda não existe. Com a cigana mais poderosa, é a morena que eu nunca tive na minha vida. Rosa é o nome dela. Ela tem muito jeito em tudo que ela faz. Rosa, ela é tão bela. A dançar com ela, dança linda demais. Ela é boa, ela é boa. Ela é boa quando ela dança no baile rico. Ela é boa, ela é boa. Ela é boa quando se mexe e ainda existe. Eu namoro com a cigana mais poderosa. É a morena que eu nunca tive na minha vida. Rosa é o nome dela. Ela tem muito jeito em tudo que ela faz. Rosa é tão singela, a dançar com ela dança é linda demais. Ela é boa, ela é boa, ela é boa quando ela dança no baile rico. Ela é boa, ela é boa, ela é boa quando se mexe e ainda existe. Thank you. un nouveau titre de Capanègre. Eh bien, écoute, merci. Merci à toi, merci à la radio. Et très prochainement, on aura d'autres surprises. Écoute, eh ben voilà, ça reste là. Et puis, on peut dire que j'espère que ça va continuer à être diffusé sur les ondes de Radio Arc-en-Ciel. En tout cas, merci Dominique. Oui, merci à toi. Elle est beau. On continue en musique et on va écouter Kalem, Emmène-moi. Je vois des choses dans tes yeux, je t'offre des roses silencieux, sur de la prose ou ta peau, tu es la cause de mes mots. Tu es un fardo de amor, e a saudade, Senhor. Nenhum de nós quer perder, e ninguém quer ficar só. Doce mão, te envi, offre comigo te chamar, je suis comme un incompris. Dis-moi, je l'aime à tout temps. J'ai le cœur en passion. J'te veux du lundi au dimanche. J'suis d'humeur comme un enfant. Emmène-moi, peu importe où on ira. Bali, Paris, au Lisboa. Je suis bien que je suis avec toi. Emmène-moi, il n'aurait pas d'avoir de vache. Mais on a vite à te revoir. Lequel chaleur perdu. Si je fraude, que Dieu pardonne mes fautes. J'suis le cyclone, toi les brodes. J'ai la tête parfois à l'envers. Des erreurs, oui, j'ai dû en faire. Je suis l'élève ambitieux. T'es trop mystérieuse, t'es ma flamme. Mon César, mais au amour, il n'y a pas. T'es le premier rôle de Mithila. Lundi au dimanche, je me lève, mais oh mon amour. Emmène-moi, peu importe où on ira. Bali, Paris, au Lisboa. Je suis bien que je suis avec toi. Emmène-moi, il n'aurait pas d'avant des vaches. Mais on a envie de te lever. Lequel chat on perd de ti. Emmène-moi, Kalem, le groupe incontournable en ce moment au Portugal, en France, un peu partout. Donc Kalem, Emmène-moi, leur dernier titre. On va continuer et je vous faisais découvrir quelques artistes qui seraient parmi nous lors de la Saint-Jean. Elle est beau, elle sera probablement là lors de la Saint-Jean. Hein. Elle rose, on demandera au public s'il y a des roses dans le public de la fête des Saints Populaires. Un autre artiste qui sera là, vous le connaissez, mais vous le connaissez sous un autre angle. Il s'appelle Gabi Fernandes qui lance une carrière en solo. C'est l'ancien chanteur de Il Mange Verdade. Il sera parmi nous le dimanche 7 juillet au parc de Lignerolles à Fleury-les-Aubrais. Et donc on va écouter, donc il reste dans cette même thématique que vous connaissez tous d'Il Mange Verdade, mais du coup en carrière solo, Gabi Fernandes. On écoute Porquê. É o fim, parece mentira, mas é verdade. Pois para mim era bom que não fosse realidade. Terminar é tão ruim, porque tem que ser assim. Acabar para meia chorar e não querer mais voltar a amar. Terminar é tão ruim, porque tem que ser assim. Acabar para meia chorar e não querer. Yeah. mentira, mas é verdade. Pois para mim era bom que não fosse realidade. É o fim, parece mentira, mas é verdade. Pois para mim era bom que não fosse realidade. Terminar é tão ruim, porque tem que ser assim. Acabar para amanhã chorar e não querer mais voltar a amar. Porque que tudo tem que ter um fim. Queria ser surdo para não te ouvir. Dizer adeus, dizer adeus. Adeus, adeus, adeus. As promessas que fizemos, os filhos que não tivemos, a casa que não construímos. Como eu vou fazer? Quero saber para onde vão os sonhos, para onde vão os sonhos. Porque que tudo tem que ter um fim. Queria ser surdo para não te ouvir. Rosinha, és tão vaidosa, não queres ninguém da aldeia. Olha que hoje és formosa, depois não há quem te queira. Olha que hoje és formosa, depois não há quem te queira. Pula ribeirinha e me dá um beijo, o teu pai não gosta, mas eu te desejo. Pula ribeirinha e me dá um beijo, o teu pai não gosta, mas eu te desejo. Tens a alma cigana e queres ir para Lisboa. Tu tens a alma cigana e queres ir para Lisboa. Não vês que és provinciana, cidade grande magoa. Não vês que és provinciana, cidade grande magoa. Pula ribeirinha e me dá um beijo, o teu pai não gosta, mas eu te desejo. Pula ribeirinha e me dá um beijo, o teu pai não gosta, mas eu te desejo. Tu queres que eu endoideça, mas o que tens na ideia? Tu queres que eu endoideça, mas o que tens na ideia? Aqui na aldeia és princesa, lá fora andas de bondeia. Aqui na aldeia és princesa, lá fora andas de bondeia. Pula ribeirinha e me dá um beijo, o teu pai não gosta mais do que desejo. Pula ribeirinha e me dá um beijo, o teu pai não gosta mais do que desejo. Dançando rumba, eu sou feliz, viva a sorrir, até tristeza sem fim. Mas para acalmar a dor e o mal que me destrói, eu danço rumo e esqueço o meu destino. Oh, eu sou feliz, esqueço de mim, até no amor não sinto dor. Dançando numa, dançando numa. Eu sou feliz, vivo a sorrir, até meu olhar não chora mais. Alors, il est tout juste 11h33 sur les ondes de Radio Arc-en-Ciel et c'est très très très très calme. Alors, je pense que pour bouleverser un peu ce calme, je vais faire gagner une place pour samedi prochain. Voilà. Alors, je réfléchis, je ne sais pas encore quoi. Est-ce que je lance un défi, le premier qui arrive ici au studio de Radio Arc-en-Ciel? Pourquoi pas? Mais je sais pas, je réfléchis. Alors ou un truc téléphonique, je ne sais pas, mais je vais vous lancer un défi. Et restez attentifs, il y a une place à gagner pour le bal de Georges Ferreira samedi prochain, samedi 13 avril, salle Montition à Saint-Jean-Blanc. Donc vous connaissez tous cet événement pour aller voir Georges Ferreira et tous ces musiciens. Voilà. Donc écoutez, je réfléchis et on revient dans quelques minutes. Soirée exclusive avec l'artiste Georges Ferreira. Radio Arc-en-Ciel vous propose un concert exceptionnel avec l'artiste Georges Ferreira et tous ses musiciens. Le samedi 13 avril à l'espace Montition à Saint-Jean-Blanc. Qui ne connaît pas les chansons emblématiques de cet artiste qui a su séduire plusieurs générations de Portugais? Alors écoutez et appréciez ces quelques extraits. Cor maldita. nosso tiro e não gosto és da nossa brincadeira. Tiro e não gosto teu DNA. Que até é que eu trabalho, fico lá com a madeira. Rendez-vous le 13 avril prochain à l'espace Montisson à Saint-Jean-Blanc pour découvrir Josh Freil et ses musiciens. La soirée sera animée par José Balthazar. La billetterie est déjà ouverte. 15 euros en pré-vente, 20 euros sur place. Pour profiter de cette pré-vente, rendez-vous au point de vente suivant. Asado Typico à Fleury-les-Aubrais. Le site de Radio Arc-en-Ciel, www.radio-arc-en-ciel.com. Le restaurant Tamalish à Fleury-les-Aubrais. Les établissements Mariano à Semois et à Blois. Ou Grillo à Saint-Privé-Saint-Mémin. Quintino de Nossa Terre à Orléans-la-Source. Les paniers du monde à Fleury-les-Aubrais. Et directement au studio de Radio Arc-en-Ciel, 266 Faubourg Bagné à Orléans. Rendez-vous le 13 avril prochain, espace Montisson à Saint-Jean-Blanc, pour un moment unique et rare. Ne manquez pas ce concert live avec Josh Freil et tous ses musiciens. Ouverture des portes à 20h avec un service snacking de spécialité portugaise. Compte sur vous. Une organisation Radio Arc-en-Ciel. Alors, je vous disais tout à l'heure, allez, soyez attentifs, ouvrez grand vos oreilles. C'est le moment pour gagner une place samedi prochain pour le bal de Josh Freil. Alors, activez vos téléphones, faites tout ce que vous voulez. Attention, ça ne durera que quelques secondes, parce que avec maintenant toute l'intelligence artificielle, les Shazam, les trucs et tout ce qui peut en sortir, donc il faut que je sois très malin. Donc, du coup, vous n'aurez que quelques secondes de la musique qui suit. Alors, il suffit, bien sûr, c'est une chanson de Josh Freil, c'est pas forcément une chanson très récente, mais c'est pas non plus une chanson très très vieille. Elle, elle a quelques années. Le but, c'est de me dire quel est le titre de cette chanson. Écoutez juste les quelques secondes. Top, c'est fini. 02 38 43 48 00. Je vous attends. Só pica, só pica. salpicar, rebaixar, salpicar, passando, salpicar, o vício que te agita. E baixar, salpicar, rebaixar, salpicar, passando, salpicar, o vício que te agita. Olha aquele chão, yo! Salpicar, salpicar, salpicar. N'appelez plus, ça y est, c'est gagné. J'ai une ribambelle d'appels téléphoniques. J'ai malheureusement pas pu passer la personne à l'antenne parce qu'en fait, comme le téléphone n'arrête pas de sonner, ben en fait, j'avais des personnes à l'antenne. En fait, il faut décrocher directement. J'avais des personnes qui n'étaient pas. Donc voilà, le titre a été chanté et c'est dommage parce que en plus, il me l'a chanté. Il m'a chanté le morceau Rose, Rose, Oliek Fizest. Voilà. Donc c'est bien sûr Georges Frail avec un titre qui s'intitule Cuidad con es Rose et ça a été gagné par José Arsenio Ferreira. Donc voilà, bravo à lui parce qu'en fait, il m'a donné le titre, il me l'a chanté. Alors surtout, il a commencé par me chanter, il m'a dit c'est ça, regardez, je vous la chante. Vous avez dit qu'on pouvait faire n'importe comment, etc. Donc il me l'a chanté, il était prêt à la chanter à l'antenne. Malheureusement, j'ai pas pu parce que le téléphone n'arrêtait pas de sonner. Donc voilà. Bon, c'est pas grave. On le félicite, José Arsène Freire. Bravo, vous avez gagné une place pour samedi prochain, le bal de Georges Freire. Et donc on va écouter la fameuse chanson de Des Roses, Cuidad con es Roses, Georges Freire. alguém no mundo louco. Meus sonhos deste menino, deixei minha mãe para trás, deixei meu pai querido. Fui em busca de grandeza, acabei arrependido. Ai que saudade, saudade da minha mãe, saudade do meu pai querido, família que para trás deixei. Ai que saudade, saudade da minha mãe, saudade do meu pai querido, família que para trás deixei. Seus conselhos para não virar um marginal. Tenho sempre orgulho em mim, vou cumprir até o final. Meu Deus, o mundo está perdido, tanta ganância e crueldade. Mas eu só te faço um pedido, mostra quem me ama de verdade. Ai que saudade, saudade da minha mãe, saudade do meu pai querido, família que para trás deixei. Ai que saudade, saudade da minha mãe, saudade do meu pai querido, família que para trás deixei. Ai que saudade, saudade da minha mãe, saudade meu pai querido, família que para trás deixei. Ai que saudade, saudade da minha mãe, saudade meu pai querido, família que para trás deixei. N'arrêtez pas de sonner, 02 38 48 00, vous pouvez continuer à m'appeler et on a une dédicace. Donc ça a été demandé de Françoise pour tous les auditeurs de Radio Arc-en-Ciel, pour elle-même aussi, et puis elle souhaitait écouter un artiste qu'elle aime beaucoup. Il s'agit de Eldar Batiste, Omlaging Oppai, on écoute. Pai querido, que eu fiz. esta lembrança. Oh, meu querido velhinho, sou eu que te estou a falar. Não quero ver-te sozinho e sempre te vou amar. Não te vou abandonar, nem minha mãezinha querida. Ficarás no meu pensar. Hoje eu tô maluco, pra namoro não, pra curtir eu tô tchutchuco. On va changer de registre avec Intenta Combinada, Nayessa et Bruni Marone. On écoute. Você não percebeu que a cada ida e volta com ele, você é menos ele e mais na minha cama. Sabe ele que mal termina a sua briga e você já me chama. Bem que eu queria pro bem de vocês que vocês não brigassem, mentira. Vai que nesse vem da cama dele na minha você fica. Então tá combinado, sábado à noite na briga de sempre se liga. Sexo agendado, cancela o rolê, dispensa os esquemas que eu ia. Ato consumado, cê pega sua boca, devolve pra ele. Adulterado. Então tá combinado. Sexo agendado. E o lado bom disso é que sempre volta com ele, mas nunca termina comigo. Então tá combinado. Sexo agendado. E o lado bom disso é que sempre volta com ele, mas nunca termina comigo. Vai essa. Briga de sempre, se liga. Sexo agendado, zero rolê. Dispensa os esquemas que eu ia. Ato consumado, cê pega sua boca, devolve pra ele. Um beijo adulterado. canto deste orgulho em ti. Porque hoje eu tenho que dançar contigo. No teu olhar vi o desejo a chamar por mim. Tu és o imã e sou o metal. Os meus sentidos vão pedindo mais. Chego mais perto e ao ouvido digo que és a tal. Avec nos dédicaces et cette fois-ci c'est un artiste que je ne connais pas mais qu'on va découvrir, Domingos Moça. Ça a été demandé de Monsieur Faria pour toute sa famille et tous les auditeurs de Radio Arc-en-Ciel. On va écouter Domingos Moça avec un titre qui s'intitule Mundo Herdado.

nosso caso era passageiro. E agora vem chamar em vítima, dizendo que eu te magoei. Mas enxuga as tuas lágrimas, pois eu nunca te menti. Sempre soubeste que o plano entre nós era só uma curtição. E era proibido amar ou falar de paixão. O plano entre nós era uma noite e nada mais. Agora não me venhas dizer-me que eu te usei. Nenhum de nós dois é criança, pois nós sabíamos bem o que estávamos a fazer. E olha, ninguém obrigou ninguém, não. Mas se vês cá dizer-me que eu te usei, então me usaste também. Fica calma, eu acho melhor acabarmos bem, pois eu descobri que eu tenho um grande amor. E eu vou aprender a lhe dar valor. Eu, o plano entre nós era só uma curtição. E era proibido amar ou falar de paixão. O plano entre nós era uma noite e nada mais. Agora não me venhas dizer-me que eu te usei. É que depois do prazer só resta a culpa. Eu tô cansado de pedir amor, desculpa. Eu quero ser um homem que sabe dar amor. Ela merece ter um amor fiel. Por isso vai no teu homem, que eu vou para mim. Céline, c'est algo vai acontecer. Eh bien, o que vai acontecer agora é que l'émission acabou. C'est la fin de l'émission du téléphone sonne. Il est midi 28, quelques minutes avant midi 30. On va se quitter avec une dernière musique. Je vous souhaite à tous un très très très bon dimanche. Et puis surtout, je vous donne rendez-vous samedi prochain, samedi pour le bal de Georges Ferreira, organisé par Radio Arc-en-Ciel, avec tous les musiciens. Georges Ferreira sera là en live avec ses musiciens, ses choristes, pour vous présenter un spectacle unique, très rare. Donc voilà. Et puis bien sûr, José Balthazar pour vous faire danser jusqu'au petit matin. Soyez au rendez-vous à partir de 20h, salle Montition à Saint-Jean-Blanc. L'entrée, vous pouvez encore vous procurer vos entrées, 15€ jusqu'à vendredi. Et puis à partir de samedi, ce sera 20€. Donc voilà, mais il y aura encore des billets sur place. D'ici là, je vous souhaite une très bonne semaine. Et puis je vous donne rendez-vous samedi prochain. On se quitte avec Tite, un mot de chocolate. O meu corpo estremeceu, quase que fiquei sem ar. Algo em mim aconteceu. África, calor, que zomba. Como miúda fiquei. Eu já estou a ficar louca. Acho que me apaixonei. Amor de chocolate, não é? Olá pessoal, daqui Jorge Ferreira informando que estarei com a minha banda em Orléans, França, para um grande espetáculo organizado pela Rádio Arc-en-Ciel no dia 13 de abril de 2024.

arc-en-ciel. Bienvenue, bienvenue, bienvenue dans nos programmes. 25 de abril, e foi precisamente esse facto, ou seja, o facto de nós estarmos hoje num período em que assinalamos os 50 anos.